Philip Lovecraft est né en 1890 à Providence, dans le Rhode Island. Il est décédé le 15 mars 1937, ce qui signifie qu'il n'aura vécu que 47 années. Ce qui ne l'aura pas empêché d'écrire plus d'une vingtaine d'œuvres littéraires, principalement axées sur l'horreur et le fantastique. Il est considéré par plusieurs encore aujourd'hui comme l'un des maîtres du genre. Son imagination débordante et tourmentée lui aura permis de traduire par l'entremise de sa plume certains des plus horribles écrits de l'horreur à ce jour. Il fait donc office d'icône de la littérature fantastique. J'ai bien connu H.P. Lovecraft et nous nous sommes côtoyés pendant un certain temps. Et je peux vous affirmer que H.P. Lovecraft possédait certes une imagination extraordinaire. Par contre, Lovecraft aurait écrit une grande partie de ce qu'il m'a vu faire. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsqu'il sert de modèle pour les plus horribles histoires racontées. Et l'inspiration, elle provient des réactions de mes patients, légèrement agitées. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. 'Cause fear is my fucking business. We are Undead Incorporated. 'Cause I, Pendragon, said so. Go. We'll be right back. Classic with a black end. Live the age and live it fast. Crash will track you, my teacher out of glass. Cross the rule, only from the score. What you get? Revenge and a little more, you know I'm bad. I'm done on four, stick near me. I'm right to the call, you know me. Don't like my style, wait and see. It takes a little while. Play the fool, break up the goal. Beats the tail, when it's your election. Cross the rule, only from the score. What you get? Revenge and a little more, you know I'm bad. That's a lot before, stick near me. I'm running to the club. je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de Réanimation en ce 17 novembre de l'an de disgrâce 2015. Je suis le Dr. Pain Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement jusqu'à 21h. On vient d'entendre à l'instant la formation Megadeth et la pièce Rattlehead, qui est tirée de l'album Killing is my business and business is good. C'est encore à ce jour pour moi le meilleur album de Megadeth, le plus original aussi, en fait le plus innovateur pour l'époque aussi, qui paraît en 1985 sur Combat Recording. Juste auparavant, nous avions Pantera, défunte formation bien entendu, et la pièce Shattered, qu'on trouve sur Cowboys from Hell, qui paraît en 1990. Si je ne m'abuse, c'était le quatrième album de la formation. Il venait de débarquer d'une période un petit peu plus glam metal. C'était sur étiquette Atco. Nous avions une formation canadienne Razor et la pièce Cross Me Fool. Formation qui existe toujours, mais seulement au niveau des spectacles. C'est tiré de Evil Invaders, deuxième parution en 1985 sur Viper. Et encore ici, à ce jour, c'est pas mal mon préféré, oui. Et nous avons ouvert avec une autre formation canadienne, Exciter, une formation qui existe toujours, une formation otavienne. Oui, c'est le cas parce qu'ils viennent d'Ottawa. C'est bien le bon mot. Et la pièce titre de l'album Violence and Force, qui est paru en 1984 sur Megaforce. Et je crois aussi en ce qui concerne Exciter, que ce ne sont que... le dernier album date de 2010, qui est relativement peu loin par rapport à d'autres formations qui existent, mais qui ne font plus rien, ou très très espacés, mais je pense qu'Exciter est généralement plus sollicité pour des festivals ou des spectacles. On le comprend, hein. Je veux dire, la formation existe depuis 1980 sous ce nom. En fait, avant, il s'appelait de 78 à 80 El Resort. Donc, ce ne sont plus nécessairement eux non plus des jeunesses, là. Et peut-être qu'ils font autre chose. Ce soir, comme je l'ai annoncé la semaine dernière et comme je l'ai mis annoncé sur le site de Réanimation, réanimationad.com en passant, ce soir c'est un spécial Cannibal Corpse qui sera en deux volets et qui sera entrecoupé d'un spécial H.P. Lovecraft, vous auriez pu vous en douter avec la présentation de l'émission qui mentionnait justement que Monsieur Howard Philip Lovecraft avait une imagination extraordinaire, mais qu'il avait en fait pris cette imagination-là à m'observer, à faire mes choses plus ou moins catholiques. Et aussi une présentation qui sera dans quelques instants d'une formation canadienne que on a eu l'aimabilité de me faire parvenir ce avant même sa sortie, qui est ce vendredi, c'est vendredi prochain, le 27 décembre. La formation Adrenochrome, formation qui vient, qui est canadienne, et si je ne m'abuse, qu'elle vient de je vais vérifier, mais je crois que c'est Saskatchewan, je suis pas certain, je vais le vérifier, et qui fera paraître Tales from Adrenochrome, qui est un album qui, ma foi, m'a agréablement surpris. C'est un heureux mélange de toutes sortes de choses. En fait, on y retrouve du stoner, du trash, on y retrouve des portions plus, je dirais, heavy metal traditionnel. On y retrouve même des portions de, je dirais, folklore, c'est un drôle de terme, mais plus traditionnel, comme du banjo, entre autres, ce qu'on devrait entendre dans la pièce, d'ailleurs. Tout ça entremêlé avec une petite portion un peu plus jazzy à un certain moment donné. J'ai trouvé que c'était très original. Et j'ai l'intention de vous en faire écouter une pièce, mais à l'instant même. Donc, voici formation de General Chrome et la pièce Lockstep. This is Chris from Adrenochrome, and you're banging your head to CFOU 89.1 FM, Reanimation with Dr. Pendragon. Yeah. 89.1. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. C'est fou. C'est fou. Le jeudi 19h, écoutez Très Blues Assez Fou. Nous présentons le blues de ses origines au blues d'aujourd'hui. La chronique de Paul Deslauriers, les biographies de Steven Hubert et des prestations en direct. Très Blues Assez Fou sur C'est Fou 89.1 FM. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie. Également, des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêts et bourses ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Tessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Lundi, les Daily Hounds vous présentent une émission variée, qui passe de faits divers à la présentation de personnes inspirantes. Soyez des nôtres. Les Daily Hounds, lundi à 13h, à C'est Fou, 89.1 FM. Vous êtes assez fous. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. Donc, avant cette pause publicitaire, il s'agissait de la formation Adrenochrome. Et je dois apporter un correctif. Ils sont de l'Ontario, de Orillia, précisément. Formation qui existe depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, qui donne dans un, comme vous avez pu le voir, dans un amalgame de styles, ma foi, toutes bien homogènes les uns vers les autres. C'est très bien fait. On vient d'entendre deux extraits qui sont tirés respectivement de Tales From, Johnny Chrome bien sûr, Black Brubeck et l'ouverture de la pièce avec, je dois dire, la gentillesse des musiciens d'avoir fait ce qu'on appelle une identification, un ID pour l'émission, la pièce Lockstep. Et l'ouverture de l'album se fait avec un truc genre Disney, là. C'est vraiment cool, là. Ce que j'ai trouvé d'intéressant cet album, c'est bien sûr l'originalité. Et ça, chapeau, messieurs, côté originalité, vous avez eu visé dans le mille. J'aime beaucoup l'aspect un peu plus complexe de la musique, entremêlée avec des parties plus, je dirais, plus simple si on veut, mais efficace, côté plus métal, côté plus progressif, l'aspect jazz que je disais, le banjo, c'était parfaitement bienvenu dans cette pièce Black Brubeck, ça se prêtait excessivement bien. Ça va sortir le 27 novembre prochain sous étiquette totalement indépendante, donc c'est de la musique indépendante. Et ce qui est intéressant aussi avec la présentation graphique de l'album Adrenochrome, c'est qu'ils sont arrivés avec une espèce de revival des horror comic books des années, je dirais, 50 principalement et 60. Et ça fait une pochette qui est invitante. Ça fait un produit qui donne le goût d'être découvert. Et lorsqu'on me l'a envoyé, lorsque la distribution de John Asher me l'a envoyé, j'ai dit waouh, c'est quand même pas banal comme présentation. J'ai écouté assez rapidement et tout de suite, j'ai trouvé le produit fort intéressant. Donc, je vous le recommande énormément. Si vous aimez sortir un peu des sentiers battus, Adrenochrome avec Tales From, Adrenochrome, bien sûr, c'est un album qui est une aventure en soi. Je vous parle maintenant d'une formation américaine qui existe depuis 1988, vu certains changements, surtout au niveau du chanteur, au fil de ses premières années, en fait, de son existence, aller jusqu'à 94, le chanteur est nul autre que Chris Barnes. Je vous parle bien sûr de Cannibal Corpse, puisque j'ai un spécial que j'ai préparé expressément pour vous, pour amateurs de ce genre de death metal, qui se cachera pas, Cannibal, c'est pas mal les leaders dans le mouvement. J'ai retenu 8 albums qui sont effectivement de 1996, soit avec l'album Vile, jusqu'à la dernière parution, qui est parue l'an dernier en 2014, soit Skeletal Domain. J'ai fait abstraction des albums avec Chris Barnes, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que je n'aime pas cette phase de Cannibal Corpse, principalement à cause du vocal de Chris Barnes, qui, dans cette époque-là, était... Il se prenait pour un porc qui se faisait égorger. Et c'était la même chose que je lui reprochais dans certaines pièces de Six Feet Under. Quoique Six Feet Under, il était déjà un petit peu plus gras, là. Mais avec Cannibal Corpse, j'aimais beaucoup moins ça. Bref, je vous propose une première partie de quatre pièces, qui sont des pièces tirées respectivement de l'album Vive, de Bloodthirst, de Gore Obsessed et de Wretched Spawn. Voici la première partie spéciale Cannibal Corpse. Enjoy! They will misery, what is it? Changing the world perfect, but they anticipate they will soon treat murder us. Some got to start searching all the graves. Fallen as hell, age of old. Pray for mankind to the point of the purpose of killing and coming up. They live, they thirst. Become a for the drink. What is a form? Rhetoric. They are the country rich and the immortal kings of the unfree. Live in peace. Watching up for events for the past. Hang up the line. Turn around. Resurrect evil with the demons. Double come for me. Just become blood. They live. They thirst. The song is where my voice. For our redemption, there must be a cause. Audiomatique avec les électronistes tous les mercredis à 17h. Vendredi le 20 novembre, 21h30, votre café-bar Le Zinobre reçoit la formation trifluvienne Days. Pour une soirée rock, venez découvrir ou redécouvrir Days ce samedi 20 novembre, 21h30. Le Zénobe, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Génie en liberté, émission d'actualité, d'information et d'opinion, tous les jeudis à 9h30. Vous êtes assez, fait assez. 19h56. Vous êtes toujours à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show sur les ondes de Cifou 89.1 FM et ce jusqu'à 21h en mon humble mais combien agréable compagnie, Dr. Pain Pendragon. Avant cette pause publicitaire, on a entendu la première partie de ce spécial Cannibal Corpse, qui, soit dit en passant, je dois bien le dire, est une de mes formations métal préférées. Donc, je me faisais plaisir aussi par le fait même. On vient d'entendre la pièce « The Deserve to Die » qui est tirée de l'album paru en 2004 de Richard Spawn, qui, en fait, soit dit en passant, ce qu'il faut savoir, oui, c'est intéressant de le savoir, c'est que Cannibal Corpse ont pas mal toujours été, ils sont toujours sur l'étiquette Metal Blade. Si c'est ce qui me fait supposer que Brian Slayer de Metal Blade considère le groupe comme étant une valeur sûre. Donc, comme je le disais, le Deserve to Die, tiré de Richard Spawn, qui est paru en 2004 sous étiquette Metal Blade. Juste auparavant, nous avions l'excellente Pit of Zombies, tiré de Gore Obsessed, de 2002. Unleashing the Bloodthirsty, tiré de Bloodthirst, de 1999. Et l'ouverture de ce bloc et de ce spécial se faisait avec Eaten from the Inside, tiré de Vile, qui lui est paru en 1996, et qui était le premier album sur lequel George Corpse Grinder Fisher se joignait au groupe en tant que chanteur, qui selon moi est un bien meilleur chanteur que Chris Barnes, en fait pour Cannibal Corpse. Barnes fait un job pas si mal par bout avec Six Feet Under, ça dépend des pièces bien entendu, mais généralement je le trouve plus à sa place. Je vous parle un petit peu, je dis bien un petit peu de cinéma. parce que malheureusement, je dois dire que j'ai pas vu des choses super intéressantes pour la majorité, mis à part quelques trucs, ben en fait un. J'ai écouté un film qui porte le nom de The Crypt, qui est un film de 2014, qui est un film de Mark Murphy, et qui... Mais en fait, savez-vous, j'ai vraiment même pas le goût de vous en parler. Bref, c'est un film de série B moins, voire C et peut-être même D, qui, à quelque part, est excessivement lent comme processus, parce qu'on est rendu à la moitié du film et il s'est pas encore passé grand-chose. Et en bout de ligne, ben, j'ai perdu mon temps à écouter The Crypt. Bon, ben, ça vaut pas, peut-être pas la peine d'en parler plus que ça, mais moi, personnellement, si j'étais vous, je passerais par-dessus. Au même titre, possiblement, que le film Deep in the Darkness, qui est un autre film de 2014 de Colin Trace, qui met en vedette Sean Patrick Thomas, Dean Stockwell et Blanche Baker, que je connais plus ou moins, et qui raconte l'histoire d'un médecin qui suit son épouse, dont elle est l'instigatrice d'un déménagement, qui quitte New York pour aménager avec la famille dans une petite ville d'Ashboro. Mais il se rend compte rapidement que les habitants sont assez étranges, qu'il découvre feu à 8 heures, qui lui-même, son voisin, l'incite à faire un sacrifice d'animal, du moins. Et que les gens semblent tous avoir un contrôle, en fait, les dirigeants de la ville semblent vouloir avoir un contrôle sur la population et de même camoufler un secret. Ben, l'idée est pas bête, ça s'est déjà fait, bien entendu, mais ça peut être intéressant jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est très long avant qu'il se passe quelque chose et que finalement, on apprend que cette fameuse menace, eh bien, c'est une civilisation d'hommes dits un peu des cavernes qui vit cachés et reclus et qui sont des mangeurs d'hommes et que, en fait, ils servent, si on veut, je dirais, pas de punisseurs, là, mais bon... oui, d'une certaine façon, pour les gens qui sont moins bien vus au niveau de la communauté. C'est très lent comme film, c'est encore un film de série B. Par contre, celui-là, je dirais peut-être pas C, mais B moins. J'irais peut-être pas jusqu'à D non plus, mais bon. Comme le précédent, je voulais dire. Mais c'est une perte de temps, encore une fois. L'idée de base était bon, mais c'était maladroitement développé, c'était maladroitement interprété aussi, donc c'est pas un film extraordinaire, je dois le dire. Autre truc que je m'attendais à voir quelque chose de bien, c'est Hitman Agent 47, qui est un film d'Alexander Back, qui met en vedette Zachary Quinto. Pour vous replacer, Zachary Quinto était principalement découvert ou en fait popularisé avec la série Heroes, mais encore plus avec les deux derniers films de J.J. Abrams, qui sont les deux derniers films, les deux, si on veut, remake de Star Trek, dans lesquels il joue admirablement Spock. Je me suis dit, ça pourrait être intéressant parce que Hitman, l'original de 2007, avec Timothy Olyphant, c'était un excellent film d'action, très original. Ben ici, je dois dire que l'originalité n'était pas vraiment au rendez-vous, que l'acteur principal, qui joue le Hitman, l'agent 47 en question, qui porte le nom de Rupert Friend, est assez, voire très moyen. Que Zachary Quinto est assez dilué et assez effacé. En fait, il y a un rôle assez intéressant, là, important, disons, mais non, c'est pas très accrocheur. Puis c'est un film qui, finalement, n'aurait probablement pas dû exister. Mais par contre, je peux vous dire que si vous voulez écouter un excellent film de science-fiction, bien sûr, d'action et de super-héros, c'est Ant-Man. Ant-Man, c'est vraiment très bien. Un film de Peyton Reed. C'est en format digital actuellement. C'est très original. Un petit point d'humour dedans qui est fort bien placé. C'est bien fait. Il y a beaucoup d'action. Et c'est un super-héros, comme je l'ai dit, à laquelle je m'attendais pas du tout d'avoir quelque chose d'intéressant là, avec un super-héros qui est un homme fourmi, là. Mais non, c'est un très bon film, Ant-Man. Voilà. Musicalement parlant, ça m'amène à vous dire que cette semaine, rock classique, pour les vrais amateurs de vrai rock, le Rockmaster et moi, nous vous avons préparé le traditionnel 3 pour 1, c'est-à-dire que tout au long de l'émission, nous allons vous présenter trois pièces tirées d'un même artiste ou groupe. Et là, je l'ai bien dit, devrait être fier de moi, parce qu'habituellement, je massacre tout le temps ça. Volontairement, peut-être. Mais qu'en plus, nous aurons des nouveautés à vous présenter cette semaine. En fait, le Rockmaster va vous parler de certains trucs qui sont, entre autres, la marche des hommes de Morse Code. Dans les chroniques des groupes obscurs, il va vous présenter la formation italienne absolument inconnue des années 70 qui porte le nom de Electric Frankenstein. Waouh, j'adore ça. Il vous présentera le nouvel album de Electric Light Orchestra. Et moi, je vous présenterai l'album d'une formation qui... J'ai été assez intéressé par ce groupe, une formation de Suède qui donne dans un doom à caractère quelque peu stoner, Mammoth Storm. Donc, c'est une émission à ne pas manquer pour les vrais amateurs de vrai rock, et plus, une métal, bien sûr, et de propos qui sont toujours très intelligents et, je dirais, justes et appropriés, surtout. Aussi, la semaine prochaine, c'est vrai, je suis dans mon mood spécial, et la semaine prochaine, je vous présenterai un spécial de Fear Factory. J'ai comme le goût là, de faire des spéciaux axés sur une formation que j'aime habituellement pour pas me punir. Donc, la semaine prochaine, c'est Fear Factory. D'emblée, en ouverture d'émission, en présentation, je vous ai parlé de H.P. Lovecraft, Howard Philip Lovecraft, qui est un des écrivains et des auteurs les plus, je dirais, marquants depuis plusieurs décennies au niveau des écrits du fantastique et de l'horreur. Il écrit des histoires les plus, je dirais, encore aujourd'hui considérées comme étant les meilleures. Et il a inspiré pas seulement des cinéastes, mais il a inspiré aussi des musiciens, bien entendu, et beaucoup au niveau du métal. Je vous présente quatre formations dont les pièces sont directement tirées soit des écrits ou fortement inspirées de certains écrits de H.P. Lovecraft. Et la première, il s'agit d'une pièce de Merciful Fate qui porte le nom de The Mad Arab et qui est tirée de l'album Time et qui raconte, ou en fait qui parle, pas qui raconte, mais qui parle de cet arabe fictif et auteur fictif, Abdul Al-Azred, du fameux Kidab Al-Azif, ou si vous préférez le Necronomicon. Merciful Fate, go! The sun, now the shepherd. We'll be right back. Costume, Doris New, Bob in New York.

20h35. Vous êtes toujours à l'écoute de Réanimation des Undead Incorporated Show sur les ondes de C'est Fou, le 89.1 FM. On vient d'entendre la formation Septic Flesh et bien sûr la pièce qui évoque la mort de H.P. Lovecraft, Lovecraft Death, qu'on retrouve sur l'album paru en 2008 sur Season of Mist, Communion. Excellent album d'ailleurs. Juste auparavant, la très longue et très bonne pièce de Morbid Angel, Invocation of the Continual One. C'est tiré de l'album Formulas Fatal to the Flesh. Et si vous êtes attentif, vous voyez qu'il y a trois F, Formulas Fatal to the Flesh, qui sont respectivement, la lettre F est respectivement la sixième lettre de l'alphabet, donc cela donne 666. C'est paru en 1998 sur Erake. Nous avions Metallica et The Call of Tulu, pièce instrumentale qui clôt l'album Ride the Lightning, bon album, je dois le dire, de 1984. Nous avions ouvert avec A Merciful Fate et The Mad Arab, tiré de l'album Time, qui est paru en 1994 sous étiquette Metal Blade. Je vous rappelle que le vendredi 18 décembre, au Rock Café Le Stage, Trois-Rivières Metal présente son party de Noël qui met en vedette Fog the Middle East, un hommage à Stormtrooper of Death, Blinded by Fate et Reanimator. Vous pouvez amener vos denrées non périssables, c'est dans le but d'aider certaines personnes moins bien nanties, bien sûr. Ceci étant dit, dans, je dirais, quelques quarts, quelques 43 minutes. Reste à l'écoute parce que ce sera Matière Noire. Donc, une autre émission qui va continuer qui perpétue cette tradition ou quasi-tradition des mardis métal assez fou. Je vous rappelle que la semaine prochaine, je ferai un spécial Fear Factory. Et que ce vendredi, dès 11h jusqu'à 17h, c'est rock classique. Et le Rockmaster et moi, nous vous proposons cette semaine le fameux et traditionnel 3 pour 1. C'est-à-dire que tout au long de l'émission, nous allons vous présenter 3 pièces tirées, non pas du même album, mais d'une même formation, d'un même artiste, bien sûr. Et cette semaine, il y aura des présentations qui sont des nouveautés. Electric Light Orchestra, Revocation, Mammoth Storm. Et le Rockmaster va vous gratifier d'une face complète de non pas un, mais bien deux. Ça, c'est moins surprenant parce que il est très généreux. Deux albums vinyle classiques qui sont parus il y a 40 ans ce mois-ci sur Fish Out of the Water de Chris Squire. Le défunt est regretté en ce qui me concerne Chris Squire de Yes et La Marche des Hommes de Morse Code. Et dans la chronique des groupes obscurs, il vous parle d'Electric Frankenstein. Donc, pour les vrais amateurs de vrai rock. Je vais pratiquement clore cette édition de réanimation avec la deuxième partie de ce spécial Cannibal Corpse. Cette fois-ci, nous passerons de l'année 2006 à 2014. Respectivement, nous attendons des pièces tirées de Kill, qui est possiblement encore mon meilleur album de Cannibal Corpse, Evisceration Plague, Torture, et le dernier paru en 2014, Skeletal Domain. La fin de semaine dernière, c'était la dernière présentation spéciale de spectacle de Brave Concert International. Ça avait lieu à Montréal. C'était entre autres avec Cataclysm, Belphegor, entre autres. Et mon bon ami, le DJ Tower of Death, le Hellborg, y avait assisté. Il a monté une capsule avec différents intervenants qui auront contribué à BCI au fil des années. Et je me propose, je vais la mettre en ligne sur le site de réanimation, donc réanimationand.com, dans la section spéciale. Vous allez voir, plus bas, vous avez la portion de Capsule Tower, du DJ of Death Tower. Et je vais peut-être, si je trouve la place pour l'incorporer quelque part dans une des émissions à venir, je vais le faire. Ça risque d'être intéressant parce que, historiquement parlant, c'est une page de l'histoire métallique ici au Québec, pour le moins, qui s'est clos le week-end dernier. Et c'est bien triste parce que M. Stéphane Mellul a travaillé très fort à l'arrache-pied, ainsi que ses collaborateurs, pour être capable de vous présenter, quasi semaine après semaine, des spectacles de qualité, avec des formations de calibre international, des formations locales aussi. Donc, cette page d'histoire étant maintenant fermée et close, eh bien, espérons maintenant qu'il y aura une relève ou quelque chose qui pourra signifier d'avoir autant de bons spectacles de qualité ici au Québec. C'est à suivre. Donc, je vais vous laisser avec une dernière portion, la deuxième portion de ce spécial Cannibal Corpse. Et je vous retrouve la semaine prochaine à la même heure. Ben, je vais vous retrouver, pour ceux d'entre vous qui nous suivent à Rock Classique, je vais être là vendredi aussi. Mais pour l'émission en réanimation, typiquement métal, bien sûr, ce sera ce mardi prochain, ça n'a aucun bon sens de dire ça. Donc le 24, si je ne m'abuse, oui, effectivement, mardi le 24, 19h, pour une édition de John Dead Incorporated Show. Et comme je vous l'ai dit, restez des nôtres parce que Matière Noire s'en vient à 21h pour une autre portion métallique. Donc, d'ici là, bien entendu, allez tous vous faire foutre. Cannibal Corpse, go! Before he died. of the tears of devil's design. The dark side of science breeds a weapon of war. Contagious killing and eternal distress. Homicide or suicide will be the cause of death. Eternal war gets altered by the disease. Your brain disabled by the constant pain. Erratic actions lead my thoughts to the blade. I've lost control, I've lost control. Pain for your life, you won't escape the night. Your fate was sealed today. Disease has spread, you pray for death. Evisceration play. Stabbing compulsion overwhelms my mind. Terrorized, screaming forth the dust of my night. I wrench the blade from the chest to the throat. Organs and nerves just fall to the ground. Pain for your life, you won't escape the night. Your fate was sealed today. Disease is spread, you pray for death. Evisceration play. Driven to kill, this is not my will. I am compelled to slay. Invisible foe takes control. Evisceration play. Unable to receive the invisible effect. Fear of disease causing outbreaks of violence. They tear themselves apart, overcovers the ground. Fish are torn partially from the abdomen. Intestines from the blood cannot escape my grip. Surgical incisions give way to prison car. A delirium is taken all. This abomination is complete. Horror grips my mind. My angels are in my hands. My angels are in my hands. My angels are in my hands. Plague leads to death. Plague leads to death. Plague leads to death. Plague leads to death. Cover the world. Mass insanity, the end of our time. Scavengers will eat the remains of man. Our extinction was by our design. Make for your life, you won't escape the night. Your fate was sealed today. Disease is spread, you pray for death. Evisceration play. Driven to kill, this is not my will. I am compelled to slay. Invisible foe takes control. Evisceration play. Look shall never go. Never for the love, never for the pain. A death I don't deserve. But the sun is gone. Only I know this is true. The dragon is in jail. The sun of all the breaks. Never I will cease. But for the release. A death I have heard. But still have to face. They are the murderers now. Yeah. of the embrace matters.